Regarde-tu beaucoup. C'est quelque chose. Là, je demande là, il faut rajouter ceux qui sont partis. Ajouter les contacts. Quand je vais ajouter ceux qui sont partis. Et à Benjamin. Voilà. Il y a la soeur. Le frère Mamadou. Je suis en train de rajouter les gens qui sont partis. Voilà. Parce que ça me va aussi. Ah. Les gens que j'ai rajoutés là sont. La seule femme est là. Non, ma soeur. Alors. D'accord. Tu vas pas oublier ma soeur. Ah, vraiment, tu aimes beaucoup ta soeur, hein? Tu vois? Vous avez ça? Ah? Vous allez bien, mon frère? Très bien, très bien, par la grâce de Dieu. Tu vois comment il sourit, non? Ah, il a fait ça, hein? Par la paix. Non, c'est une petite envoie. Et toi, ça va? Oui, ça va bien. Je suis dans la joie. Ah, le jeune est une pasteur. Le Seigneur est bon, oh. Ça, c'est le commencement. Amen. Le frère Pierre, où? Le frère Pierre, normalement, il se serait déconnecté, il n'est pas quitté du groupe, hein, je pense. Attends. Parce que je crois que lui est seulement quitté du groupe. Voilà, il est seulement. Il s'est juste déconnecté, il n'est pas quitté du groupe. Attends, je vais l'envoyer. Je vais envoyer un message. Amour de ma sœur, Léona. Le frère, je viens de connecter même. Hein? C'est quoi? Apparemment. Les autres là sont. La soeur Carole est là. Oui, je suis là, ma soeur, je suis là. Comment tu es silencieuse comme ça, ma soeur? Je n'ai pas voulu déranger, quoi. Qui, ma soeur? Ma soeur! La soeur Christiane est là. Oui, la soeur Christiane, la soeur Yolande, la soeur de la soeur Yolande, elle est là comme ça. Tu vois, c'est bon, Dieu vont comme ça. Oh là là. Tu as rajouté tout le monde, ça. Oui, j'ai rajouté tout le monde. Je sais pas pourquoi je ne les vois pas. Là, ils sont pas connectés, là. Je vois, ils sont connectés ici, mais... Nathan vous dit bonsoir. Bonsoir, Nathan. Bonsoir, il est tellement à sa façon. Les hommes de ce monde, ils s'attendent. Et dis, les hommes là sont où?